LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Depuis MeToo, nous errons sur le champ de ruines des rapports de couple et nous ne savons plus comment nous aimer. Pour de plus en plus de femmes hétérosexuelles, faire couple avec celui que nous envisageons comme un potentiel oppresseur, à savoir l'homme cisgenre, nécessite une véritable gymnastique mentale. Nous sommes tiraillés entre nos désirs et nos convictions. Est-il envisageable d'imaginer un érotisme égalitaire affranchi de toute structure patriarcale ? Puisque c'est bien de ça dont il s'agit. Ce patriarcat qui serait responsable de nos échecs relationnels, dans un monde où l'infériorité des femmes est encapsulée dans notre imaginaire amoureux. Mais sortir de l'hétérosexualité, est-ce vraiment suffisant ? Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ? Une série documentaire d'Ovidie avec la participation de Tancrède Ramonet, réalisée par Julie Béressy. Épisode 8, révolutionner l'amour. Est-ce que notre imaginaire amoureux en tant que femme y repose sur des enjeux de soumission et de domination ? Oui, alors j'aurais envie d'enlever le « en tant que femme » parce que en réalité, je pense que... Manon Garcia, philosophe, autrice de « La conversation des sexes, philosophie du consentement ». Pour les hommes comme pour les femmes, l'amour est très lié à des questions de domination et de soumission parce que on pense d'abord l'amour comme amour hétérosexuel et donc l'amour est l'endroit où la différence des sexes se vit le plus intensément, de la manière la plus heureuse, et puis en réalité, je crois aussi de la manière la plus malheureuse. Et par conséquent, les normes sociales de genre, donc la féminité, la masculinité, sont en jeu de manière très directe et parfois très violente dans l'amour. Et moi, ma thèse, c'est que ce qu'on appelle la féminité est en fait une norme de soumission. Et réinventer l'amour, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Alors comment est-ce qu'on peut le révolutionner, cet amour ? Si c'est possible de rêver d'un amour qui soit émancipé. C'est ça. Non, mais c'est ça. J'ai l'impression d'être tue l'amour, justement, avec mon pessimisme. Mais évidemment, moi aussi, je veux révolutionner l'amour. Mais oui, je veux bien dire aux femmes, pour révolutionner l'amour, il faut arrêter de se sentir particulièrement bien quand on repasse les chemises de son mari et tout ça, mais je pense que les normes de genre, elles sont rudes. Et surtout, je suis de plus en plus en colère qu'on passe tant de temps à se demander comment réinventer l'amour quand les hommes en passent si peu. Et que je crois quand même que l'obstacle principal à un amour joyeux, égalitaire, créatif, etc., ce sont les hommes. Donc nous, on peut bien faire des retraites de yoga, lâcher prise, respirer par le ventre, faire des régimes, etc. Je veux dire, si les hommes prennent pas au sérieux la façon dont leur pensée de l'amour est une aliénation pour les femmes, on va pas s'en sortir, quoi. Bah, d'un autre côté, ils ont pas vraiment intérêt à se remettre en question à ce niveau-là. Ben, je pense qu'ils ont intérêt, en fait, sur le coup de l'amour, je pense qu'ils ont vraiment intérêt. Parce que je pense que, pour le coup, les normes de soumission dans l'amour, elles sont très pesantes pour les hommes. Et que je pense qu'au fond, les hommes, ça les amuse pas tellement de rentrer chez eux et que certes le ménage soit fait et tout, mais qu'on leur dise « tu te rends compte, moi qui suis là et je t'aime et tu préfères aller regarder le foot avec tes copains ou tu préfères aller boire des coups alors que moi je suis là et je t'attends ». Franchement, c'est pas très excitant. On sait bien que de supplier l'autre de donner du sens à notre vie, c'est pas très excitant pour l'autre non plus. Et après, évidemment, on se sent très important quand quelqu'un nous dit « tu es le sens de ma vie ». Mais je crois quand même que les hommes, ils préfèrent que l'amour ne soit pas un fardeau pour eux. Je pense que, bon, les hommes, ça les amuse 5 minutes, cette dévotion, et qu'à la limite, à ce moment-là, il vaut mieux avoir un chien. C'est plus fidèle et surtout ça n'a pas d'angoisse existentielle qui vous dit « je viens à ta rencontre tous les soirs quand tu rentres à la maison et toi, tu préfères voir d'autres chiens que moi ». Voilà, donc c'est... Mais si on pense que on veut plus que un chien et une femme de ménage combinés, eh ben on a intérêt à l'égalité. Alors que je pense que dans plein d'autres domaines, les hommes n'ont pas intérêt à l'égalité parce que ça veut dire se partager le gâteau avec plus de monde, etc. Mais dans l'amour, c'est tellement plus exaltant d'être aimé par quelqu'un qui a le choix de nous aimer. Fille ou garçon. Mais si réinventer l'hétérosexualité, c'est si galère, est-ce qu'on ferait pas mieux de la déserter? Ou, à minima, de la fuir momentanément? Alors quand on parle de bisexualité, on a en tête souvent des images érotiques de la pop culture, voire des images qui viennent directement du porno. On associe ça uniquement au divertissement sexuel et quasi jamais à la relation amoureuse. Pour dire qu'on est engagé dans une relation affective ou amoureuse sérieuse avec une femme, on dit rarement « je suis bisexuel ». D'ailleurs, les jeunes ne disent pas « bisexuel » mais « pansexuel ». Est-ce qu'il y a encore cette idée qu'une relation entre deux femmes qui ont ou ont eu des relations hétéros, c'est pas sérieux, ça reste que du divertissement sexuel? Bien sûr, il y a cette idée qu'une relation entretenue entre deux femmes n'est pas sérieuse, que c'est juste un petit frisson passager, une petite fantaisie qu'on se permet à un moment de la vie avant de retourner sagement vers les hommes. Mathilde Ramadier, autrice de Vivre fluide. C'est un cliché qui est vieux comme le monde, quasiment, puisque longtemps, les hommes ont tenté d'étouffer le désir féminin. Et aussi, effectivement, il a été surinvesti du côté érotique et l'image de la bisexualité a été glorifiée par la pop culture et par la pornographie. C'est quelque chose dont on essaie de se débarrasser ou du moins dont on essaie de s'émanciper. C'est vrai que finalement, dans l'histoire de la littérature, on a quand même très peu d'histoires d'amour entre femmes. Dans le cinéma, plus, mais dans la littérature, finalement, très peu. Il a fallu passer un certain nombre d'étapes pour ces femmes qui ont réussi à parler de ces histoires d'amour dans leurs écrits. Et quand on pense notamment à Colette, qui a en quelque sorte un peu donné aussi le coup d'envoi, Colette était tout de même très contrôlée par le regard masculin et en l'occurrence par le regard de son mari, qui signait ses livres à sa place et puis qui relisait tous ses manuscrits et qui avait une forte emprise sur elle. Et donc là, même Colette, quand elle raconte, en tout cas dans la série des Claudines, une relation entre deux femmes, celle-ci est extrêmement contrôlée par le regard masculin qui conserve même les clés de la chambre où les femmes se rencontrent, où Claudine rencontre Rézi sous l'œil attentif et très intéressé de Renaud, qui n'est autre que le mari de Colette, Willy. Elle n'a fait que changer les prénoms. Est-ce qu'il n'y a pas quand même l'idée que la bisexualité féminine, elle n'est acceptable que lorsqu'elle est sexuellement intéressante pour les hommes? Oui, en effet, cette bisexualité féminine est valorisée à partir du moment où les hommes peuvent participer, que ce soit une simple participation symbolique du regard, par exemple quand on regarde un film, ou que ce soit une participation active dans le cas d'un trio sexuel. Et là, on en revient à ce que la philosophe Monique Wittig nommait le fantasme du harem lesbien, qui est, je crois, avant tout un fantasme d'une multiplicité de partenaires, puisque un homme, en cela, en participant de près ou de loin à cet amour entre femmes, va pouvoir jouir d'une multiplicité de partenaires féminins. Et en effet, c'est une vision de la bisexualité qui est devenue dominante puisqu'elle a été encouragée et valorisée. Et en même temps, c'est aussi par effet boomerang, c'est un fantasme, un stéréotype d'invisibilisation. Elles vont avoir peur de vivre cette attirance, de peur de passer pour des femmes plus superficielles qui vont faire ça pour attirer l'attention des hommes. J'ai l'impression que ce terme bisexuel, il faut vraiment se l'approprier, voire se le réapproprier. Quand on dit « je suis bisexuel », tout de suite... On se retrouve entouré d'une espèce d'aura érotique comme ça, ou de femmes avec des mœurs légères, en fait, de femmes à la cuisse légère. Et pour revenir sur Monique Wittig, puisque vous la citez, est-ce qu'il faut s'émanciper de la pensée straight et donc du contrat hétérosexuel pour enfin s'aimer en liberté? Est-ce que finalement l'amour, il n'est possible que en s'affranchissant du contrat hétérosexuel si on veut s'aimer en dehors du patriarcat ou si on veut s'aimer librement, tout simplement? Absolument, je pense qu'il faut s'émanciper de cette hégémonie hétérosexuelle, même si l'on est soi-même hétérosexuel, même si on se sent comme tel, même si on se revendique comme tel. C'est là que je trouve que les femmes bisexuelles sont en quelque sorte des fugueuses et elles sont doublement fugitives, pour reprendre aussi une image de Monique Wittig, c'est-à-dire que dans un premier temps, elles s'émancipent de la pensée straight, elles s'émancipent du carcan de l'hétéronormativité dans lequel elles ne se reconnaissent pas, dans lequel elles étouffent, elles fuguent, et puis de l'autre côté, elles refusent, une fois arrivées sur l'autre rivage, de s'intégrer à une autre norme, à une autre monosexualité, en l'occurrence, qui est le lesbianisme, dans lequel elles ne se reconnaissent pas non plus. Et pour en revenir à ce terme de bisexualité, alors moi non plus, je ne l'aime pas. Moi, je préfère voilà, parler de fluidité, un terme qui est emprunté aux études de genre en ce qui concerne d'abord l'identité de genre, mais pour dire aussi que c'est un terme, le terme de fluide, qui peut englober beaucoup plus tout ce continuum de sexualité qui existe entre hétéro d'un côté et homo de l'autre, et puis cesser de penser en effet l'amour ou une attirance, une attraction en termes de sexualité pure. On brûlera toutes les deux en enfer, mon ange. J'ai prévu nos adieux à la terre. Et je veux partir avec toi. Je veux mourir dans tes bras. Lesbiennes radicales et lesbiennes politiques, elles mettent bien en avant que le lesbianisme, c'est pas seulement une orientation sexuelle. Christelle Tarot, historienne. Que c'est un projet de vie, un projet humain, un projet d'interrelation qui est... très différent, en fait, de ce qui, dans le même temps, se constitue dans le milieu gay. Et là, je pense que la question du genre impacte de manière très importante, en fait, la manière dont le lesbianisme politique se pense. Et quand on lit, par exemple, quelqu'un comme Adrienne Rich, on se rend compte que, quand Adrienne Rich parle du lesbianisme politique, elle parle très peu de sexualité, en fait. Elle parle d'un projet relationnel. Et le lesbianisme politique, ça constitue beaucoup plus des sororités, c'est-à-dire des réseaux d'entraide, des réseaux de compétences, d'expertise, finalement, que des questions sexuelles. Et là encore, en fait, le lesbianisme politique étant très peu étudié, de manière générale, très peu valorisé, quand on parle des, entre guillemets, minorités sexuelles, et encore faudrait-il s'entendre là-dessus, parce qu'en fait, dans les études sur la sexualité, tu te rends compte que, étonnamment, il y a beaucoup plus de gens qui sont... lorsqu'ils sont engagés dans une sexualité active, il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le croit qui sont finalement entre les deux. En particulier, les études sur la sexualité gay montrent que sur les lieux de drague gay, il y a beaucoup d'hommes qui se définissent comme hétéros. Mais beaucoup. Donc ça montre que ces catégories, en fait, sont très insatisfaisantes pour vraiment donner une idée du panorama dans lequel les vrais êtres humains interagissent vraiment, en fait. Je suis le pont sur la rivière qui va de toi à toi. Traversez-moi la belle affaire. Embrassez-vous sur moi. Est-ce que pour s'aimer dans l'égalité, il faut s'affranchir de la stricte hétérosexualité? Est-ce que finalement, c'est la seule solution? C'en est une parmi d'autres. Et je pense en effet que ça peut être un levier d'émancipation et qu'en tout cas, c'est jamais une mauvaise idée d'interroger le rapport hétérosexuel à l'autre dans sa globalité, même quand on est soi-même dans un couple hétérosexuel. Et c'est quelque chose qui peut être même très libérateur pour les hommes, dont on suppose pourtant qu'ils sortent gagnants de ce rapport de force. Et en quoi est-ce que cette hétéronormativité, parfois, elle flingue nos histoires d'amour ? Elle flingue nos histoires d'amour parce qu'elle nous enferme dans des rôles préétablis, elle nous bloque dans des scripts sexuels prédéfinis, dans des rapports de séduction qu'on a déjà vus mille fois dans la littérature, au cinéma, comme si on assistait finalement à notre propre vie en tant que spectateur d'une pièce de théâtre dont on connaît déjà le dénouement. Se dire qu'il suffirait de sortir de l'hétérosexualité pour résoudre le problème. Mais peut-on prétendre construire un amour égalitaire alors que nous vivons dans une société qui crée de l'inégalité ? L'égalité amoureuse est-elle possible sans égalité sociale ? Ah non, mais moi, de manière générale, je pense que dans les couples non hétérosexuels, ce codage de l'amour comme relation d'un dominant et d'un soumis ou d'une soumise est aussi là, puisque justement, c'est la façon dont l'amour nous est présenté comme forme sociale de relation entre des êtres humains. Donc, il ne suffit pas de rompre avec le contrat hétérosexuel pour espérer vivre un amour émancipé. Je pense que toutes ces questions-là, c'est des questions qui sont d'abord des questions sociales et politiques, et que par conséquent, la possibilité d'une émancipation, d'une libération individuelle, elle n'est pas là. Au mieux, on peut arranger un peu les choses dans notre vie personnelle, mais le vrai impact qu'on puisse avoir au niveau individuel sur ces questions-là, c'est quand on fait du militantisme. Mais dans la vie amoureuse de deux personnes, qu'une personne essaye de se libérer par l'amour, c'est quand même mal barré, parce que ça veut dire que cette personne n'a pas compris que c'était pas intime, mais que c'était politique. Ou que l'intime était politique. Enfin, c'est ça que je veux dire, quoi. Mais c'est que c'est une illusion de penser que l'intime peut être non politique. Il y a une petite musique, pour ma part je n'apprécie guère, qui serait que dans les années 60, 70, il y a eu une libération sexuelle, mais elle n'aurait profité qu'aux hommes et les pauvres femmes n'auraient été que des proies. Anne Steiner, maîtresse de conférences en sociologie à l'université de Paris 10. C'est pas du tout l'idée que j'en ai pour avoir vécu cette époque, vu mon grand âge, et la liberté sexuelle, elle a profité aux deux, voilà. Pourtant, il y en a certaines qui en sont revenues, un peu. Oui, mais bon, de là à se présenter comme des victimes de la libération sexuelle, c'est un peu fort de café. Alors, en quoi elle a été bénéfique pour les deux, ben parce qu'avant, c'était... Avant, il y avait un interdit qui pesait sur la sexualité hors mariage et avant le mariage. Bon, même s'il y avait des tolérances, on pouvait pas mener la vie qu'on voulait mener. Donc, ça a quand même ouvert des possibles. Dans ce domaine, voilà, tout a été à peu près possible. Puis après, il y a eu effectivement l'acceptation de l'homosexualité, ça, qui commence justement, la lutte pour l'acceptation de l'homosexualité, pas seulement dans la loi, mais dans les mœurs. Elle commence, comme vous le savez, à la fin des années 60, mais elle devient victorieuse dans les années 1980. Et ça, c'est vraiment extrêmement important, à mon sens. Il faut quand même des fois voir un peu ce qu'on a gagné et pas voir toujours ce qu'on n'a pas gagné et qu'on pourrait gagner. C'est énorme ce qui a été gagné. Je reviens quand même sur le polyamour aujourd'hui, qui est quand même très présent. Dans les discussions chez la nouvelle génération, ce qu'on appelle la Gen Z, ou même la génération Y déjà, mais il y a 20 ans, même en mouvement militant, pour avoir été militant dans ces mouvements-là dans les années 90, dans les mouvements anarchistes, on ne parlait pas de polyamour, c'était complètement mais on le vivait. En dehors de notre sphère de mais pensée. Mais en même temps, on le vivait. Enfin, je sais pas, moi j'ai toujours vécu un peu sur ce modèle. Ça me semble bizarre d'en faire tout un plat, parce que ça tombe sous le sens, le pluriamour. Simplement, on le nommait pas, mais ça se faisait. On aimait plusieurs personnes à la fois, et on condamnait la jalousie. Enfin, moi, dans les sphères dans lesquelles j'évoluais, c'était comme ça. Pour réinventer l'amour, peut-être faut-il aller au-delà de l'abolition du patriarcat et faire entrer dans l'équation l'abolition de la société marchande. C'est en tout cas la théorie de Christine Gotzen, pour qui le capitalisme enferme les femmes dans une dépendance économique aux hommes qui nuit à leurs relations intimes. Elle reprend la théorie de Marx et Engels, pour qui le capitalisme marchandise toutes les interactions humaines et réduit les femmes à des biens meubles. Peut-être qu'une société plus égalitaire, où les individus vivraient et travailleraient ensemble comme des égaux, pourrait ouvrir la voie à des relations d'un type nouveau, fondées sur l'amour et l'affection mutuelle, et non plus entachées par des questions de valeur, de prix et d'échange. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un de droite quand on est de gauche? Tancred Ramonet. Est-ce que ça t'est arrivé? Oui, c'est compliqué. Évidemment que c'est compliqué, bien sûr. On a parlé dans la série, on a parlé d'homogamie, de la rencontre, du fait qu'on se rencontrait entre nous, entre même catégorie sociale, entre même religion et tout ça, mais aussi entre même convictions politiques. En général, on se rencontre, c'est souvent ça qui nous unit d'ailleurs, c'est nos convictions politiques communes. Donc oui, moi ça m'est arrivé une fois d'être avec quelqu'un et je n'ai eu de cesse que de vouloir le convertir à tout prix, tu vois. Et ça a créé quelque chose d'inégalitaire dans le couple. Donc oui, bien sûr qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un de droite quand on est de gauche, c'est juste que c'est compliqué. C'est comme quand t'es pas de la même religion, ou c'est pas impossible, mais c'est absolument compliqué. Moi, je peux faire des grandes choses avec mon cul-de-sac. Mais regarde, quand on discute avec quelqu'un qui est pas d'accord avec toi, on n'arrive jamais à le convaincre. On y arrive beaucoup mieux par le sexe, je promets. Regarde lui, par exemple. Quand je l'ai rencontré, il était le responsable jeunesse de la section UMP du Pas-de-Calais. T'imagines ? Comment on peut être jeune et UMP ? Et regarde la tête qu'il a maintenant. Il élève des moutons dans le Périgord. C'est pas génial ? T'as vu ? Lui, c'était un vieux boursicoteur de merde. Et bah maintenant, il fait des crêpes sarrasins. Lui, il était président d'un club de quad. Maintenant, il fait de la capoeira. Bon, tu vois, évidemment, le temps de conversion, il varie selon le degré de connerie du gars. Pour un mec du FN, il me faut bien au moins 10 jours. Alors que pour un fan de Bayrou, en une après-midi, c'est plié. Est-ce qu'on peut érotiser l'égalité ? Nos fantasmes, nos désirs sont un des endroits les plus inatteignables du patriarcat, un des endroits les plus profonds du patriarcat. Et que donc, s'efforcer de changer nos désirs plutôt que l'ordre du monde, pour le coup, c'est une mauvaise idée. Je pense que nos désirs changent et changeront à mesure que l'ordre du monde changera. Ce truc de se dire « il faudrait plus avoir de fantasmes liés au pouvoir dans le sexe, etc. » Comment ce serait possible? Je veux dire, le sexe, c'est une sorte de précipité des vies sociales que l'on a. Or, les vies sociales que l'on a, elles sont éminemment politiques. Elles sont éminemment traversées par des rapports de pouvoir. Elles sont éminemment fondées sur la domination, etc. Donc, oui, il faut érotiser l'égalité, mais je pense que pour érotiser l'égalité, il faut rendre la société plus égale, d'abord. Plutôt que de dire aux filles, n'ayez pas envie de vous faire tirer les cheveux. Bon, la belle affaire, quoi. Ma révolution porte ton nom. Ma révolution n'a qu'une seule façon de tourner le monde, de le changer. Pour toi, je ne cesserai jamais de marcher. Ma révolution porte ton nom. Je sais que pour toi, l'amour, ça naît avec le capitalisme. Mais est-ce que finalement, l'amour, le vrai, libre, émancipé, il ne peut pas se vivre qu'en dehors du capitalisme? Est-ce qu'on peut encore espérer s'aimer sous le capitalisme? Je crois que l'amour, ça va aussi avec un sentiment de possession de l'autre, du corps et de l'esprit de l'autre. Eh bien, en réalité, j'ai l'impression qu'on arrivera à s'en débarrasser qu'en même temps, en faisant un travail aujourd'hui évidemment, mais qu'en même temps qu'on arrivera à se débarrasser de nos autres désirs d'appropriation. Impérialiste, besoin de s'approprier les autres pays, besoin de s'approprier les richesses, etc. Et je crois que c'est l'amour révolutionnaire marche avec un processus révolutionnaire. La méthode vachement marxiste de dire à toutes les féministes « Oh là là, vous parlez des femmes, mais vous parlez pas de la classe sociale. » Ce truc de toujours demander aux femmes de s'occuper d'autres trucs, ça me paraît être une mauvaise méthode. Mais c'est vrai qu'on entend cette petite musique depuis longtemps, tous ces questionnements autour de l'intime, de l'amour, des questions de sexualité, des questions de rapport au corps, que ce sont des sous-luttes, c'est quelque chose qu'on a longtemps entendu, même on a longtemps entendu que le féminisme c'était une sous-lutte en fin de compte, parce que finalement la lutte première c'était la lutte contre le capitalisme, et puis le reste c'était un petit peu des histoires de bonnes femmes. Donc c'est vrai que c'est compliqué, comment réussir à ne tomber dans aucun des deux écueils, c'est compliqué. Pourquoi on demande toujours aux femmes Pourquoi on dit toujours aux femmes que leur oppression compte moins que les autres, quoi ? C'est intéressant, et moi j'essaye de pas tomber dans ce travers-là quand je veux dire que c'est difficile de réinventer l'amour dans les conditions actuelles de la société. Mais je crois que c'est aux hommes de bouger, là. Nous, on a fait toutes les gymnastiques possibles et imaginables, étant donné la société. Maintenant, si les hommes acceptent un peu de bouger, la société bougera sans doute un peu aussi. J'aime regarder des filles qui marchent sur la plage, sur leur peau le soleil caresse bien trop sage, le vent qui les décoiffe, un goût de sel sur mes lèvres. On va pas non plus attendre la fin du capitalisme et la fin du patriarcat pour essayer de changer des choses dans nos comportements amoureux. On peut déjà les changer aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans quelle mesure la question de changer des choses dans nos comportements amoureux aujourd'hui, qui vont parfois être le fruit de nouvelles naissances, ne va pas contribuer à donner à nos enfants une autre image de l'amour, mais aussi des rapports entre les personnes, de telle sorte qu'eux-mêmes feront évoluer encore la société, etc. Enfin, si on doit attendre le communisme pour avoir des amours révolutionnaires, déjà, j'ai bien peur que nous ne connaissions jamais ça. Et ensuite, je ne sais pas quel communisme ce sera s'il est fait par des gens qui sont sexistes, paternalistes, toxiques dans leur masculinité. Donc non, le travail, il commence dès maintenant, dès aujourd'hui, à essayer d'imaginer de nouvelles manières d'être ensemble, de frustrer aussi certaines de ses émotions et de se raisonner, même quand des sentiments sont très forts. Dans des relations à deux, parfois à trois, à quatre, on peut imaginer de nouvelles manières de procéder dès maintenant. Ça, on n'a pas besoin d'attendre. Donc ce sera sans doute impur, imparfait. Ça l'est d'ailleurs déjà, impur ou imparfait. Mais on avance vers ça, on se pose les questions, on essaie de le vivre, quoi. C'était « Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ?» Révolutionner l'amour. Avec Manon Garcia, Mathilde Ramadier, Christelle Tarot et Anne Steiner. Documentation Radio France, Antoine Vuilloz, Archivina, Mylène Touché. Prise de son, Thibaut Nassim Ben, Mathieu Tourin, Lucien Lefebvre, Guillaume Ledu, Alexandre Bucquois et Claire Levasseur. Mixage, Manuel Couturier. Attaché de production, Marivonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervan. Une série documentaire d'Ovidie avec la participation de Tancrède Ramonet, réalisée par Julie Bérécy. De voir.